Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 9 novembre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Jean-Édouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Rebonsoir et à nouveau Martin Pelletier pour la deuxième partie de ce Libre Journal de la Liberté. Surveillée, vous avez eu beaucoup de chance, vous avez eu un rap de Mozart et les partisans blancs tout du long. C'est une très très bonne nouvelle pour vous parce que je dois dire que mon invité avait un petit problème d'embouteillage. Il a garé sa voiture et le voilà. Bonsoir Jean-Paul Mongin. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire général, c'est ça ? Délégué général. Délégué général, c'est tellement compliqué, de SOS Éducation. Et SOS Éducation, comme son nom l'indique, est une association qui s'occupe de venir en aide à l'éducation nationale, à l'éducation de nos pauvres têtes blondes, brunes et autres, et rousses. Et y a besoin. Alors, pour commencer, je sais bien que vous êtes déjà venu sur Radio Courtoisie, mais ça fait rien, je crois que l'information est une longue répétition. Dites-nous qui vous êtes. Très bien, alors qui je suis? En fait, donc, comme vous l'avez dit, je suis délégué général de SOS Éducation. Je suis par ailleurs éditeur d'une maison d'édition qui s'appelle Les Petits Platons, qui propose aux enfants de découvrir la vision du monde des grands philosophes. Et j'ai auparavant moi-même une formation ou une déformation de philosophe. Voilà. D'accord. Mais mon travail à plein temps est effectivement de m'occuper des problèmes du système éducatif avec cette association qui a été créée en 2001 par un groupe de jeunes parents d'élèves et professeurs qui s'intéressaient à l'origine aux questions d'apprentissage de la lecture. Eux-mêmes constataient qu'ils avaient eu les plus grandes difficultés avec la maîtrise de l'orthographe, avec pour certains des problèmes de dyslexie, et les méthodes dont ils avaient entre guillemets bénéficié, les méthodes modernes d'apprentissage de la lecture, méthodes globales ou dérivées de la méthode globale, étaient toujours en usage dans l'éducation nationale. Et ils voyaient que leurs propres enfants rencontraient les mêmes problèmes. Donc SOS Éducation, c'est une association mixte parents d'élèves et professeurs. Absolument. C'est une originalité, ça. Oui, alors en fait, c'est même quasiment unique. C'est la seule grande association indépendante qui rassemble des parents d'élèves et des professeurs. Donc nous ne sommes pas une fédération de parents d'élèves, nous ne sommes pas un syndicat enseignant, parce que nous considérons finalement que notre intérêt, parents et professeurs ensemble, est un intérêt commun. Nous souhaitons tous que les enfants apprennent à l'école à lire et à écrire, compter et réfléchir. Et pour cela, il est souhaitable qu'il y ait des professeurs qui soient bien formés, qui travaillent dans des bonnes conditions, avec des méthodes éprouvées et au sein d'un système responsabilisant. Est-ce que cette mixité parents-professeurs est un frein, un avantage? Qu'est-ce que ça apporte comme expérience et comme avantage à votre démarche? Alors, en fait, ça nous apporte une véritable indépendance dans nos prises de position. C'est-à-dire que nous, on ne défend absolument pas des intérêts corporatistes. On n'est pas affilié à un quelconque parti politique, contrairement aux principales associations de parents d'élèves. Mmh. Et on a véritablement une réflexion qui est en vue du bien de l'enfant et donc de la transmission des savoirs. Que nous donne aujourd'hui et aussi une belle richesse dans nos échanges. On anime régulièrement des formations où viennent des parents d'élèves et des professeurs sur des sujets très très divers. Par exemple, et, par exemple sur les questions d'apprentissage de la lecture, sur comment aider un enfant à se concentrer, sur qu'est-ce que c'est qu'enseigner les mathématiques avec la méthode de Singapour sur... Tiens, dites-moi, il faut toujours couper. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode de Singapour ? J'aurais bien aimé qu'on... Alors, la méthode de Singapour, j'en suis malheureusement pas un expert, mais il se trouve que dans les classements internationaux, les classements qui sont faits par l'OCDE, notamment le classement PISA, voilà, Singapour ressort d'une manière très très forte sur les performances des élèves en mathématiques, et c'est dû à une méthode pédagogique extrêmement particulière, une façon de présenter les problèmes en utilisant différentes dimensions, différentes illustrations qui permet à différents types d'intelligence de rentrer dans l'abstraction de ces mathématiques. Donc il y a d'excellents manuels qui sont faits avec la méthode de Singapour et on cherche à irriguer le système éducatif avec toutes ces méthodes qui sont des méthodes efficaces. Puisque vous le savez, la formation des enseignants les ex-UFM, dans ce qu'on appelle maintenant les SP, est une formation très idéologique et très peu pédagogique et pratique. D'accord. Ah, donc vous êtes sur, évidemment, des problèmes de pédagogie. Vous êtes parti de la question de la lecture et de l'écriture. Pourquoi êtes-vous parti de là? Encore une fois, l'association, elle est partie de cette question qui était un problème qu'avaient rencontré ses fondateurs. Ils avaient vu les effets délétères des méthodes de lecture qu'on utilisait dans l'éducation nationale sur eux-mêmes, sur leurs enfants, sur leurs proches. On était avant les premiers classements PISA, hein, donc on n'avait pas de statistiques globales. Et à l'époque, on entendait encore au ministère des gens qui disaient « le niveau monte ». Il n'y avait pas encore de comparaison internationale qui permet de dire que c'était Stablé et Baudelot qui avaient fait dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un très grand livre sur « le niveau monte ». C'était le niveau. Alors tout le monde rigolait. C'était un mantra, mais c'est un mantra qui est resté très longtemps en usage. Mais aujourd'hui, même Najat Vallaud-Belkacem n'oserait plus dire que le niveau monte. Voilà. Mais simplement, ils voyaient qu'il y avait une prévalence extrêmement, extrêmement inquiétante de l'illettrisme. Ils le constataient aussi bien dans leurs entreprises ou dans la société civile. Et ensuite, quand il y a effectivement des classements, des études indépendantes, parce que tout le problème du ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'il est juge et parti. Il met en œuvre des politiques et ensuite, il les évalue lui-même. Donc, on ne peut pas lui demander de faire les choses de manière très objective. Mais quand il y a des études indépendantes qui sont sorties, on a vu qu'il y avait effectivement 20% des élèves de 6e qui étaient en état d'illettrisme complet. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de comprendre un texte simple et que dans les zones d'éducation prioritaire, ce chiffre monte à 58%. 58%, vous vous rendez compte? Ça veut dire que quasiment les deux tiers des enfants qui auraient le plus besoin de l'école pour s'en sortir, parce qu'ils n'ont pas, pour nombre d'entre eux, un bagage familial suffisant pour combler ces déficiences, les deux tiers de ces enfants, on leur apprend même pas à lire. Donc on leur donne même pas accès à leur... propre culture et à eux-mêmes. Donc voilà, ils sont partis de là et puis ensuite ils se sont intéressés à tous les problèmes connexes du système éducatif. D'accord. Et pourquoi n'était-il pas de CRIRAD de l'éducation nationale ? Pardonnez-moi ? Le CRIRAD, vous savez ce que c'est ? C'est un organisme de contrôle et de mesure qui a été créé pour justement contrôler l'Agence à l'énergie atomique, l'AREVA, etc., pour que les données sur la sécurité nucléaire ne soient pas données par l'industrie nucléaire elle-même. Pourquoi cela n'existe-t-il pas dans l'éducation nationale, qui est bien plus dangereuse que le nucléaire? Assurément. Parce que dans l'éducation nationale, vous avez une direction qui est la deuxième plus grosse direction, je crois, qui s'appelle la direction À l'évaluation, à la prospective et à la performance, qui doit regrouper à peu près 40 000 fonctionnaires. Vous vous rendez compte, 40 000 fonctionnaires c'est qui sont mal. Là pour évaluer le système éducatif et dont c'est essentiellement le métier. Et donc nous, effectivement, on va parler, je pense, tout à l'heure des programmes des différents candidats à l'élection présidentielle. Et quelque chose qu'on essaie de faire passer, c'est cette idée que cette DEP, cette direction à l'évaluation, à la prospective et à la performance, devrait être mise sous le contrôle, alors soit du Parlement, soit d'une agence indépendante, mais en tout cas qu'il faudrait absolument la sortir du giron de l'éducation nationale. D'accord. Alors pourquoi vous utilisez le mot illettrisme alors que dans le temps on disait analphabétisme ? Vous allez m'expliquer parce que je n'ai toujours pas compris. Il y a une différence qui n'est pas qu'une différence de terminologie, c'est qu'un analphabète c'est quelqu'un qui n'a pas été alphabétisé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui bien souvent n'est pas allé à l'école ou y est allé tellement peu qu'il est incapable de déchiffrer les sons, de voir que B et A fait bas. L'illettré parvient à péniblement à associer certains graphèmes, donc certains signes écrits et certains phonèmes, certains sons, mais il le fait d'une façon qui est insuffisamment fluide pour accéder au sens du texte. D'accord, donc en fait, l'illettré, c'est le produit de l'éducation nationale française. Voilà, ça c'est purement la responsabilité de l'éducation nationale, dont tout le monde raconte qu'elle est gratuite, alors qu'elle coûte presque 7% de notre produit intérieur brut. Donc c'est quelque chose que nous payons extrêmement cher. Comme tout ce qui est gratuit et dont l'efficacité est très inquiétante et l'efficience, c'est-à-dire le rapport entre ce qu'on investit et l'efficacité, est proprement catastrophique. Alors, avant de venir aux vraies questions, encore quelques questions sur votre association. Ça a été lancé, vous me disiez, en 2001. En 2001. On fête les 15 ans. Aujourd'hui, quelle est l'importance et la croissance de cette association? Alors, cette association regroupe aujourd'hui 60 000 membres. Ce qu'on appelle membres, ce sont des donateurs, donc des gens qui nous aident une fois par an sur l'une de nos actions, parce que l'association, pour avoir une complète indépendance de parole, a toujours refusé toute subvention publique, y compris toute enveloppe parlementaire. Donc, on ne vit que de la générosité de nos donateurs. Comme Radio Courtoisie, donc c'est le même modèle. Et il n'est pas impossible que nous en partagions quelques-uns. Mais voilà. Mais donc voilà pour ce qui est le chiffre de nos membres. Ensuite, on s'adresse bien sûr à beaucoup plus de personnes. On estime qu'on a 200 000 sympathisants à partir des adresses mail qu'on a de personnes qui ouvrent nos courriels. Donc on a une lettre d'information qu'on fait partir toutes les semaines, plus quelques flashs d'actualité qu'on envoie à 200 000 personnes, ce qui vous donne à peu près l'audience. Oui, c'est comme ça que j'ai connu votre existence, parce que je ne la connaissais pas, je n'ai pas fait d'enquête, j'ai reçu des courriels de votre présidente, qui est Claire Paulin. Claire Paulin, absolument. C'est ça. Alors, dernière question sur, sur SOS Éducation, quels sont vos objectifs à terme, court terme, moyen terme, long terme? Alors en fait, on a trois domaines d'action principaux que j'ai déjà brièvement évoqués. Oui. On a donc ces formations pour les enseignants, qui sont pour nous très importante et qu'on cherche à développer en utilisant de plus en plus évidemment Internet pour pouvoir permettre à tous les professeurs du territoire d'en bénéficier. On a des publications, c'est-à-dire qu'il y a une maison à SOS Éducation qui publie à la fois des témoignages, des réflexions sur la philosophie de l'éducation et non pas des manuels scolaires, mais des guides pédagogiques pour aider les professeurs. Et puis on a une activité qui est une activité pour influencer le débat éducatif, donc qui s'apparente à du lobbying, alors qui peut être constituée de campagnes de pétitions. L'association est plutôt connue pour ça, pour avoir des prises de parole parfois assez fortes médiatiquement, mais ça peut être également des études, des comparatifs internationaux, qu'ensuite nous allons présenter aux responsables politiques afin de... Les publiez Oui, bien sûr, elles sont publiées, elles sont diffusées... Vos dernières pétitions en date, lesquelles? On s'est beaucoup mobilisé contre la réforme du collège en fin d'année dernière, et notamment certains aspects qui nous paraissaient profondément délétères par rapport aux rares filières qui allaient moins mal dans le système éducatif. Je pense aux classes européennes qui ont été supprimées, je pense à l'enseignement des langues anciennes, je pense à l'allemand notamment. Donc on avait fait une pétition là-dessus, on a fait une pétition auparavant pour demander à Manuel Valls, ce qui devrait être l'évidence même, d'interdire l'utilisation des téléphones, des téléphones dans les établissements scolaires, puisque vous savez qu'aujourd'hui, un enfant de 6e sur 2 a été exposé à des images pornographiques, la plupart du temps, avec l'aide de ses petits camarades qui lui ont montré ça sur leur, téléphone. Il y a aussi les problèmes de harcèlement, etc. On a fait auparavant une pétition pour sauver les notes, les évaluations chiffrées, que les pédagogistes du ministère rêveraient de supprimer parce que ça leur permettrait de casser le thermomètre qui permet encore de mesurer la pureté. Alors pourquoi la défense des notes particulièrement, justement ? Pourquoi défendre les notes ? Bon, parce que alors la docimologie n'est pas une science exacte, et il y a beaucoup de systèmes d'évaluation qui peuvent être très intéressants, surtout s'ils sont articulés à un véritable projet éducatif. Donc on n'est pas du tout des fétichistes de la note en soi. Ce qu'on dit, par contre, c'est que si le ministère décide d'appuyer sur un bouton rouge pour supprimer urbi et orbi les notes chiffrées, bien souvent ça va être remplacé par des livrets de compétences extrêmement fumeux, extrêmement difficiles à lire pour les parents, et qu'on perd quand même un outil d'alerte qui est, lui, relativement lisible. J'entends tout à fait que faire une moyenne avec une note de mathématiques et une note de français, eh ben oui, c'est quelque chose qui peut ne pas aller de soi, qui présente certains problèmes de méthodologie qu'on peut questionner. N'empêche que quand votre enfant revient avec un 4 en maths, et ben vous savez qu'il a besoin de faire des exercices de maths. Si vous avez une cinquantaine de compétences qui ont été rédigées par des pédagogistes dans des livrets où tout de toute façon est acquis ou en cours d'acquisition, ben vous ne pouvez plus identifier les problèmes, et du coup vous ne pouvez plus apporter les actions de remédiation qui s'imposent. De remède. D'accord. Bon, alors, parmi vos récentes, enfin, les choses que j'ai lues sur ce qu'on m'envoie, j'ai vu effectivement aussi que vous réfléchissiez sur la violence à l'école. Alors, quelle est votre position là-dessus ? Parce que j'ai aussi lu Najat Vallaud-Belkacem qui avait dit qu'elle n'avait pas d'explication particulière à donner sur ces violences. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous avez une explication particulière ? Elle a même dit, ce qui était absolument inouï, à l'occasion de l'agression d'un enseignant juste avant les vacances de la Toussaint, donc un professeur des écoles qui s'est fait passer à tabac par deux individus devant l'ensemble de sa classe après avoir apostrophé une de ses élèves. Elle avait dit qu'il ne s'agissait pas d'un problème scolaire. Donc voilà, au motif que ce passage à tabac était intervenu en dehors de l'enceinte de l'établissement parce qu'il s'agissait d'une sortie pour aller faire du sport, etc. Donc voilà, les bras nous en sont tombés. S'il ne s'agit pas d'un problème scolaire quand on passe un tabac à un professeur, de quoi s'agit-il ? Non, il y a évidemment... le sujet de la violence scolaire, c'est un gros sujet. C'est un sujet qui est difficile à aborder avec des études chiffrées objectives, là encore, puisque tout est suspendu aux remontées des incidents par les chefs d'établissement eux-mêmes. Et les chefs d'établissement, jusqu'à une date récente, percevaient des primes s'il n'y avait pas trop d'incidents déclarés dans leur établissement. Donc vous voyez que ça n'encourageait pas une transparence. Comme tout ce qui est déclaratif, c'est à prendre avec des pincettes. Transparence intégrale, oui. Et puis, évidemment, on trouve régulièrement dans les rubriques des faits divers, des journaux, voilà, les agressions les plus graves, enfin, celles qui ont occasionné des jours d'arrêt. Mais il y a aussi toute cette violence diffuse qui fait que la plupart des jeunes enseignants se font régulièrement traiter, je ne sais pas si on peut le dire à l'antenne, mais... Dites-le. Si on interroge un jeune enseignant qui a été muté dans une zone éducation prioritaire, il s'est forcément fait traiter de fils de pute, de sale chienne, etc. Et ça, c'est devenu un tellement courant, si vous voulez, que ça ne fait même plus l'objet... violence et ce n'est pas scolaire. Ça ne fait même plus l'objet d'une déclaration ou d'un signalement, ni même d'une sanction. Et de toute façon, comme on leur a retiré tous les moyens de sanctions, tout va très bien, madame la marquise. Mais donc, si vous voulez, quand on regarde les chiffres du ministère, en dehors de la consommation de drogue dont on arrive pas à cacher qu'elle progresse d'année en année, il n'y a pas vraiment d'évolution de la violence. Mais en revanche, quand on interroge les enseignants ou quand on interroge des inspecteurs de l'éducation, tout le monde convient qu'il y a une violence effroyable qui se développe et qui s'installe Dans les écoles. Violence de quel type ? Du type verbal ou violence aussi menace Voilà, c'est beaucoup de violence verbale. Alors ça, c'est devenu absolument monnaie courante. Et encore une fois, ça ne donne même plus lieu à des sanctions. Mais c'est une violence qui a une dimension physique. Je voudrais juste citer un chiffre à partir d'un sondage qu'on avait fait l'année dernière. 15% des professeurs du secondaire déclarent ne pas se sentir en sécurité dans leur établissement. 15%. Et en région Île-de-France, on est à 21%. Un professeur sur cinq qui ne se sent pas en sécurité dans son école, physique, dans son établissement. Mais qu'est-ce que vous pouvez transmettre quand vous ne vous sentez pas en sécurité? Quel cours vous pouvez faire? Donc cette question de la sécurité, c'est un problème qui est absolument majeur. Et il y a différents types de réactions chez les responsables politiques. Il y a des réactions telles que celle de la ministre où on essaye de mettre la chose sous cloche et puis de temps en temps on fait une grande journée de prévention du harcèlement avec un spot de publicité qui coûte extrêmement cher et qu'on diffuse sur Internet et on se félicite de son volontarisme sur ces sujets brûlants. C'est un premier type de posture. Il y a un deuxième type de posture qui me laisse presque aussi dubitatif, qui est cette façon qu'ont certains responsables politiques, alors plutôt dans l'actuelle opposition, de brandir la matraque du gendarme et de dire « Vous allez voir, nous, on va taper du poing sur la table et on va remettre les choses au carré, etc. » Mais malheureusement, il ne suffit pas de le dire pour pouvoir le faire. Donc, sur cette question de la violence, en fait, moi, je vois trois leviers d'action. Oui, quelle solution proposez-vous ? Voilà. Alors, je pense qu'il y a sur le fond un vrai discours à avoir sur les finalités d'un système d'instruction. C'est-à-dire que le plus on va dire que le professeur est un gentil animateur, qu'il est là pour apprendre aux élèves à apprendre, pour les aider à exprimer toute la richesse de leur spontanéité, pour mettre en place des pédagogies avec des enseignements pratiques indisciplinaires fumeux X et Y, le plus on va déstructurer ce qu'est l'enseignement, le plus on va avoir des réactions d'élèves qui n'ont plus aucun respect face à cette espèce de salmigondi pédagogiste qu'on essaye de réformer à chaque changement de ministre. Donc remettre la transmission du savoir et la dignité du savoir au cœur de l'acte d'enseignement, c'est le bon sens. C'est quand même la première chose et la plupart des professeurs sont en attente de ça, en attente d'un ministre. Vous avez un soutien des professeurs pour ça? Oui, je crois que à droite comme à gauche, il y a une certaine unanimité par rapport à ça. Modulo certains expérimentateurs qui sont partis particulièrement loin, mais donc la masse du corps enseignant attend qu'on leur demande d'enseigner et de faire leur métier avant toute chose. Première chose. La deuxième chose, c'est redonner des moyens, de véritables moyens de sanction. Dans la plupart des établissements, concrètement, le professeur ne peut pas virer un élève qui l'empêche véritablement de faire cours, parce qu'il a besoin de prévenir un CPE qui n'est pas forcément disponible, parce que le règlement d'intérieur prévoit que tout enfant qui sort d'une salle de classe doit être accompagné par un adulte, et donc évidemment il ne peut pas laisser sa classe pour accompagner l'élève perturbateur, ou parce que le chef d'établissement de toute façon ne lui donnera aucun soutien et renverra l'élève directement en classe. Je rappelle aussi que 40% des professeurs disent qu'ils ne se sentent absolument pas soutenus par leur hiérarchie. Mais je vais me trouver très bête et très vieux jeu, il n'y a plus de salle de retenue ou de, comment ça s'appelle, ou d'études où on envoie l'élève contrevenant se calmer, ça se fait encore dans certains établissements, mais c'est vraiment devenu absolument marginal. En fait, l'idée maintenant est que, alors il y a une interdiction de fait de toutes les sanctions qui n'ont pas de caractère pédagogique. Donc mettre un zéro de conduite, maintenant c'est interdit. Vous pouvez pas donner des lignes à copier et vous pouvez pas dire à un élève tu vas dans telle salle parce que tu avec un surveillant qui le fera se taire, etc. Ah non, ça c'est pas possible. Non, mais pourtant les lignes à copier, je suis pas d'accord, je pense que c'est très pédagogique, c'est comme ça que j'ai appris mes conjugaisons moi parce que j'étais très turbulent. Ça avait un côté profondément salutaire probablement pour beaucoup. Et puis sur le fond, quand vous avez un élève qui après avoir pourri la vie de son établissement, mis en danger la sécurité de ses camarades et de l'équipe pédagogique, finit par, au terme d'un conseil de discipline, être exclu, oui. Et ben, il est réintégré de droit dans l'établissement d'à côté, sans avoir la moindre démarche à faire. Donc finalement, vous avez des tas de petits caïds qui sont envoyés d'établissement en établissement et qui... Ça préfigure ce qui arrivera un peu plus tard entre la police et la justice. C'est-à-dire voilà, il y a une vraie idéologie de la culture de l'excluse. De non-sanction. Une idéologie de l'inclusion aussi, qui rend de fait la transmission très problématique dans un certain nombre de cas. Donc, voilà, rouvrir des internats disciplinaires pour que des gamins qui n'ont rien à faire dans une école normale, apprennent les bases de la vie en société et soient, le cas échéant, un petit peu alphabétisés, ça me paraîtrait une très bonne chose. Donc voilà, il y a un réarmement réglementaire évident à faire. Et puis, la question la plus fondamentale, c'est la question de la gouvernance et de l'organisation du système éducatif. Parce que la question de l'autorité, elle se pose pas seulement dans les termes d'un professeur qui enseigne ex cathedra à des élèves. Elle se pose dans les termes de la cohérence d'une parole portée par l'ensemble d'une équipe éducative. Et aujourd'hui, toute l'organisation du système est faite de telle façon qu'un professeur arrive dans un établissement qu'il n'a pas choisi, parce qu'il a été nommé par un ordinateur, oui. Avec un chef d'établissement qui ne l'a pas choisi, donc qui, de toute façon, n'a pas engagé sa responsabilité par rapport à cet enseignant qui l'accueillait. Et puis, il arrive à 8h du matin, il prend ses documents dans son casier, il va faire cours, il rentre chez lui. Et bien souvent, il n'y a pas de véritable communauté éducative. Ce qu'on voit dans un certain nombre d'établissements hors contrat qui fonctionnent bien en banlieue, je pense notamment aux établissements de la Fondation Espérance Banlieue, oui, c'est qu'il y a... Qui paraît-il, marche très bien. Ils marchent très bien et ils accueillent tous les élèves qui se sont fait virer partout ailleurs. Donc, ils travaillent avec des publics qui sont extrêmement difficiles. C'est que l'ensemble de l'équipe enseignante, chef d'établissement compris, sont là dès le matin à 8h30 pour l'ouverture des grilles, sont présents en permanence ensemble avec les élèves et à la moindre incartade, il y a une réponse très très forte du corps enseignant tout entier et toute la vie de l'école fonctionne sur les échanges qui sont faits qui ont lieu entre les enseignants pour permettre ce travail. Il y a une solidarité du corps enseignant. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que les professeurs doivent renoncer à leur expertise disciplinaire et à la transmission de cette discipline pour évoluer vers un métier d'éducateur. Mais ce que je dis, c'est qu'un système dans lequel personne ne se choisit, ni les parents qui, par la carte scolaire, envoient leur enfant dans le collège ghetto d'à côté, les pauvres, et donc se comportent en consommateurs d'un service public, oui. Ni les chefs d'établissement qui devraient être les garants de la réussite éducative des élèves qui leur sont confiés, mais qui ne peuvent pas choisir leur premier levier, qui est leur équipe pédagogique, ni les professeurs, pour les raisons qu'on a évoquées, et qui donc ne peuvent pas adhérer à un projet d'établissement avec une anthropologie particulière, une pédagogie particulière, etc. Personne, finalement, n'est responsable et personne ne se choisit. Donc, les acteurs coexistent les uns à côté des autres. Et comme les acteurs coexistent les uns à côté des autres, eh ben, quand vous en avez un qui rencontre des problèmes de discipline ou qui est confronté à des situations de violence, il se trouve extrêmement seul. Donc, en fait, ce règlement de la question de la violence, il passe nécessairement par une réflexion sur la réorganisation du système de telle manière qu'on puisse redonner de la cohérence à des équipes éducatives qui pourront marquer les limites de manière très claire du monde que le monde des adultes impose au monde des enfants. D'accord. Alors, il est 20h09. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée. Ce soir, en deuxième partie, Jean-Paul Mongin, qui est secrétaire général de SOS Éducation, qui vient parler, comme il doit le faire, de questions d'éducation. Alors, vous avez reçu, enfin, vous avez interrogé, plus exactement, certains de vive voix, d'autres par écrit, je crois, les candidats à la primaire de droite. Alors, et ils vous ont répondu. Je voudrais que vous me parliez un peu de ces interrogatoires, si j'ose dire comme ça. D'abord, de façon globale, une note globale à chacun. Alors en fait, je voudrais juste en amont préciser quelque chose, c'est que notre association SOS Éducation est une association non confessionnelle et non partisane. On a vraiment une pluralité réelle de sensibilité au sein de l'équipe, autour du de la table du conseil d'administration et évidemment autour des membres. Je vais caricaturer un peu, mais parmi nos membres, ça va de personnes qui sont d'anciens Mao ou trotskistes qui trouvent que véritablement la coupe est pleine. Le système éducatif va à la catastrophe et que c'est une catastrophe surtout pour les jeunes qui auraient le plus besoin de ce système éducatif pour pouvoir s'intégrer, jusqu'à des gens qui sont sur des options extrêmement conservatrices ou qui défendent des options beaucoup plus libérales et voilà, et nous on veut vraiment faire parler tout le monde. Vous avez Macron, Mao, Le Pen, tout le monde. Quoi. Voilà, non mais on a vraiment des soutiens de toute sensibilité sauf celle portée par le gouvernement actuel et qui est assez cohérente avec celle du ministère, l'idéologie du ministère, parce que tout simplement, eux ne veulent pas faire de l'école. Eux, ils veulent utiliser l'école pour un projet de société qui est un projet idéologique, un projet de déracinement. Une révolution. Le projet de création d'une humanité nouvelle, déracinée. Et effectivement, nous battons contre cela. Mais on se bat contre cela avec des gens donc, qui viennent d'horizons extrêmement différents. Très divers. Donc, en ce moment, on s'intéresse évidemment aux responsables politiques candidats à droite, mais on s'intéressera ensuite aux responsables politiques candidats à gauche, au Front National, au... Vous allez donc interroger, s'il veut bien répondre, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, oui, tout ça. Donc, on a fait des... écolos aussi. On a fait des manifestations contre la réforme du collège, où on se trouvait, pas bras dessus, bras dessous, mais à proximité avec des gens qui étaient très, très, très à gauche. Et... je pense que nos points de désaccord par rapport à la réforme n'étaient pas forcément exactement les mêmes, mais on se retrouvait autour d'un combat politique commun. Donc voilà, ceci étant précisé, effectivement, on cherche à repérer dans l'éventail politique actuel quelle est la meilleure offre, parce qu'on se dit que quelle que soit la situation au premier tour de la présidentielle, qu'on soit amené à défendre un candidat de gauche ou un candidat de droite, qu'on soit amené à défendre un candidat indépendant ou la candidate du Front National, on a tous intérêt à ce que le candidat issu de cette primaire propose le meilleur programme éducatif, parce que de toute façon, il y aura un effet d'entraînement sur les autres programmes. Et donc, on ne va pas donner de consignes de vote, mais simplement, on va, après avoir audité l'ensemble des programmes éducatifs, dire ceux qui nous paraissent les plus réformateurs, les plus à même de remettre le système éducatif sur les bons rails, et puis ceux qui nous paraissent aussi les plus crédibles, parce que ce n'est pas le tout d'être animé par d'excellents principes, encore faut-il avoir les moyens de les mettre en musique et avoir une vision qui permette véritablement d'envisager une réforme d'une administration qui comporte... Ça suppose une certaine cohérence et une certaine connaissance des problèmes aussi. Donc je rappelle que l'éducation nationale c'est la troisième plus grosse institution étatique mondiale après l'armée chinoise et les chemins de fer indiens. C'est si gros que ça, les chemins de fer indiens ? Je pensais que l'éducation nationale était devant, mais bon. Ça marche beaucoup mieux, je ne sais pas. Mais si. Alors, détrompez-vous, ça marche bien, les chemins de fer indiens. Ah oui, c'est extraordinaire même. Moi, j'aime beaucoup les chemins indiens et je les prends dès que j'en ai l'occasion et ils marchent bien. Ils ne sont pas chers, c'est le contraire de l'éducation nationale. Mais je vous ai coupé, continuez. Très bien. Alors, j'ai pas cette expertise. Donc on a interrogé la quasi-totalité des candidats à la primaire ou alors des personnes qui sont véritablement en charge de leur programme éducatif et donc soit sous une forme d'interview écrite avec les points qui nous paraissaient les moins clairement définis dans leur programme, soit sous forme d'une interview filmée d'une dizaine de minutes qui peut se retrouver donc sur le site de SOS Éducation. Et à partir de là, on va sortir la semaine prochaine un comparatif de ces différents programmes avec une note et une évaluation. Ce comparatif que j'aimerais que vous fissiez un petit peu dès ce soir. Alors écoutez, je vais encore une fois, je ne suis pas du tout dans une écurie quelconque, et la question éducative n'est pas la seule question qui permet de se déterminer pour un candidat ou pour un autre. Donc je ne cherche pas du tout à faire passer des consignes. Néanmoins, pour avoir rencontré donc, la plupart de ces candidats, on peut quand même observer que le rapport qu'ils ont à la question éducative en dit long sur la crédibilité qu'ils ont pour s'occuper des affaires publiques. Quelqu'un comme, alors je vais commencer par des compliments, mais quelqu'un comme, François Fillon, par exemple, qui a été ministre de l'Éducation et qui est capable d'avoir un entretien sur des questions très techniques avec vous sans avoir la moindre note et de répondre à la fois en fonction de principes qui sont les principes de son programme, mais avec une vraie vision de du mode opératoire pour parvenir à pour mettre ses réformes, pour voilà. mettre en action ses principes. Voilà, voilà. C'est quelqu'un qui est effectivement extrêmement crédible. À l'autre bout de l'éventail, la candidate Nathalie Kosciusko-Morizet, voilà, qui est la seule qu'on n'a pas réussi à contacter d'ailleurs, paradoxalement, a un programme éducatif qui est plus que léger, enfin sa plus grande mesure finalement en faveur de l'éducation, en dehors du souhait de maintenir le collège unique, c'est la légalisation du cannabis. Donc forcément, on est un peu moins support sur ce type oui, de programme. On n'est pas dans la même... D'accord, je vois. Voilà. Entre les deux, est-ce qu'il y a parmi... Alors on va pas... On pourrait faire d'ailleurs une analyse très précise des uns et des autres, peut-être souhaitez-vous le faire, mais est-ce qu'on peut dire que chez l'un ou chez l'autre, ou chez tous, il y a une proposition qui est particulièrement intéressante, oui. Oui, alors en fait, il y a quand même une convergence qui se dessine, et qui est heureuse, parce que nous, c'est vraiment l'idée qu'on a essayé de faire passer, enfin moi, depuis que j'ai rejoint l'association, depuis 3 ans, au niveau de la réforme du système éducatif, c'est l'idée d'autonomie des établissements. C'est-à-dire cette idée que finalement, le bon échelon pour repenser une politique éducative, c'est évidemment pas l'échelon ministériel, puisque le ministère est sous la coupe de gens qui sont des forcenés. Et puis parce que de toute façon, c'est pas en appuyant sur un bouton de la rue Grenelle que vous pouvez décider qu'à Saint-Flour, à 15h, il faut faire du macramé. Enfin voilà, c'était si vous voulez, cette idée de la réforme des rythmes scolaires qui partait d'un diagnostic qui était juste, hein, le fait que les écoliers français avaient trop peu de macramé trop peu de journées consacrées à l'enseignement, enfin c'est le plus faible nombre de jours d'école de l'OCDE, le fait que d'un point de vue chronobiologique la répartition était pas du tout satisfaisante pour la bonne assimilation des savoirs, mais voilà, mais si vous réagissez à l'échelon ministériel, vous proposez une espèce de loi comme celle qui a été portée par Vincent Peillon qui va poser des problèmes à tout le monde, et qui va s'avérer finalement très très inefficace par rapport au but qui est visé, oui. Puisque au niveau national encore, les lobbies de l'industrie du tourisme vont faire valoir qu'il n'est pas question de toute façon de toucher aux vacances, ce qui serait pourtant un des leviers décisifs. Vous allez vous retrouver avec des propositions éducatives extrêmement pauvres sur certains territoires. Vous n'allez pas favoriser une plus grande implication des personnels enseignants dans leur classe pour des raisons syndicales, et donc vous allez devoir faire appel à des gens qui sont des animateurs mais auxquels vous pouvez pas proposer un vrai travail, parce que travailler 2 fois 1h30 par semaine payé au lance-pierre, c'est pas un véritable travail. Et donc finalement c'est la dame de la cantine qui va passer un petit CD de comptine en anglais, et ça va être baptisé activité éducative, et donc l'inefficacité va être absolue. Donc l'échelon ministériel déjà c'est niette, enfin je veux dire, c'est pas moi qui... Alors comment faut-il s'y prendre? C'est pas moi qui l'ai dit, mais monsieur Hugonnier, qui est le patron des questions éducatives au niveau de l'OCDE, donc qui pilote toutes les statistiques PISA, il a dit lui-même que la première mesure pour remettre sur les rails notre système éducatif, ce serait de fermer le ministère de l'Éducation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, mais non, attention, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà une bonne... une question. Il s'agissait d'une saillie un peu provocante, mais qui a son fond de justesse. On ne peut plus penser le système éducatif à partir d'un échelon complètement centralisé. Et d'ailleurs, c'est le problème que l'on retrouve dans dans les programmes actuels du Front National sur les questions éducatives, c'est qu'ils ont une vision qui est complètement jacobine du système éducatif. Mais on pourra en reparler tout à l'heure. Il y a un problème clair aussi au niveau académique, au niveau rectoral. L'éducation nationale est la seule administration qui n'a pas adapté son appareil à la réforme territoriale. C'est-à-dire que vous avez des grandes régions qui ont été créées, mais les académies, elles sont restées les mêmes. Et du coup, vous avez des académies qui sont à cheval sur trois régions. Alors d'accord. Que l'idée était quand même d'avoir le patron d'une région avec le patron d'une académie qui correspondait pour pouvoir mettre en œuvre une politique éducative cohérente. On voit bien que là aussi, l'impéritie du système, les blocages syndicaux font qu'il est absolument impossible d'agir par ce biais-là. Et puis, vous avez l'échelon des établissements. Oui, mais alors, une question, où est l'erreur ? Parce qu'il faut toujours chercher l'erreur. Est-ce que l'erreur est de l'académie ou l'erreur de la grande région ? Parce que ce sont des monstres aussi, ces grandes régions, et il faut bien le concevoir. Oui, alors moi, je n'ai pas d'idée sur la réforme territoriale. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où il y a une réforme territoriale, ben, l'ensemble des administrations doivent se conformer à cette réforme territoriale. Et ça aurait eu du sens si on avait souhaité, comme on le disait par ailleurs, faire de la déconcentration dans le système éducatif, de proposer à la tête de chaque grande région un super recteur qui pouvait s'occuper son homologue à la tête de la région de, par exemple, l'offre de formation professionnelle, les synergies école-entreprise, etc. Ça, aujourd'hui, ça pose un problème très très complexe du fait de du non-alignement des administrations. Un grand désordre. Et puis ? Oui, prenez un verre d'eau parce que vous parlez, mais c'est très mauvais pour la gorge de parler. Donc. Excusez-moi. Et puis, donc, il y a l'établissement, et au niveau des établissements, là, c'est la vraie vie. Donc, si on redonne des responsabilités aux établissements, qu'on permet encore une fois aux gens de se choisir, et qu'on les évalue, donc qu'on les met en face de leurs échecs et de leurs réussites, on peut arriver à réformer le système éducatif. Et donc c'est cette idée qu'on retrouve avec bonheur chez tous les candidats de la primaire de droite et du centre, c'est cette idée d'autonomie des établissements. D'autonomie des établissements, alors cette autonomie des établissements, donc le bon échelon pour mener la réforme, c'est finalement l'établissement lui-même, c'est le rectorat, non. C'est... Voilà, soyez très très très simple parce qu'il faut que je comprenne. Je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Angleterre. L'Angleterre partait d'une situation éducative qui était aussi mauvaise, sinon pire que la nôtre, il y a une quinzaine d'années. Et il y a à peu près 5 ans, le ministre de l'Éducation anglais a décidé d'introduire un peu d'oxygène dans le système éducatif en laissant des établissements passer sous le régime de ce qu'on appelle les free schools, c'est-à-dire oui. Devenir des écoles indépendantes, capables de gérer leurs projets pédagogiques, de gérer leur recrutement d'enseignants, avec uniquement deux contraintes. Une contrainte qui était de ne refuser aucun élève, qui était donc... C'est quand même une grosse contrainte, ça, de ne refuser aucun élève. Oui, c'est le prix à payer pour garder un système public d'enseignement. D'accord. Et deuxième ? Voilà, et la deuxième, c'était de se soumettre à des tests d'évaluation standardisés permettant d'évaluer véritablement la performance et la valeur ajoutée de ces établissements par rapport aux établissements comparables qui étaient restés dans le système traditionnel et purement public. D'accord. Parallèlement, le ministère de l'Éducation anglais a autorisé des associations de parents, des fondations, toutes sortes d'organismes à but non lucratif. Voilà de l'eau pour vous sourire. Alors, buvez pendant 5 secondes, Hermé, parce que vous vivez, l'auditeur n'est pas facile de savoir, vous vivez un véritable calvaire depuis 5 minutes, mais on vient nous apporter de l'eau. Merci infiniment. Et maintenant, voilà. Ça va restaurer. Donc, parallèlement, le ministère a autorisé toutes sortes d'institutions à but non lucratif à créer des écoles, écoles qui étaient subventionnées à proportion du nombre d'élèves qu'elles accueillaient, oui. Avec un cahier des charges qui était défini, et avec une liberté totale, là encore, dans la pédagogie adoptée, dans la structuration de l'équipe, etc. Et donc ce deuxième type d'école indépendante s'appelle les académies. Et en quelques années, le système éducatif anglais s'est vraiment relevé sous l'effet de cette libéralisation. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement ces écoles indépendantes sont très clairement surperformantes par rapport aux écoles publiques, mais que le niveau même des écoles qui étaient restées publiques a augmenté par l'effet de l'émulation avec ce système indépendant. Ah donc, vous dites en quelques années, en combien de temps, grosso modo? On a 5 ans de recul. Donc, 5 ans. Donc en 5 ans, il y a vraiment une inflexion très très nette, au point qu'aujourd'hui, certaines écoles qui sont dans des zones très défavorisées sont recherchées par des parents qui n'habitent pas dans ces zones, parce qu'elles ont des statistiques particulièrement excellentes dans l'accompagnement des élèves qui leur sont confiés. Donc on voit bien que cette question de l'autonomie des établissements, elle est véritablement décisive. Et alors du coup, une grande partie de notre travail d'interrogation des différents candidats est de leur demander qu'est-ce qu'ils mettent derrière cette idée de l'autonomie. Parce que vous avez finalement tout un éventail de propositions qui introduiront de fait une certaine subsidiarité, mais qui ne sont pas du tout une véritable autonomie envisagée pour les établissements. Je vais prendre simplement un exemple. Alain Juppé s'est emparé aussi de cette idée de l'autonomie, mais lui, c'est très bien, prudent comme il est, que s'il commence à introduire cette idée de différenciation des projets pédagogiques et d'un possible recrutement par le chef d'établissement, voilà, il a 300 000 personnes dans la rue, les syndicats qui braillent à l'inégalité dans le système scolaire, à la remise en cause du statut de la fonction publique d'État, etc., etc. Et donc, il se contente de faire de l'autonomie en disant que les établissements pourront bénéficier de leur dotation horaire globale comme ils l'entendent. Ça veut dire que potentiellement, à la marge, on pourra remettre un petit peu plus de maths ou un petit peu moins de français ici ou là. C'est du Juppé, c'est-à-dire des demi-mesures. Mais comme de toute façon, on le fait à périmètre institutionnel constant, c'est-à-dire avec le même nombre d'établissements, les mêmes équipes de professeurs, etc., de fait, on sait très bien qu'il va se passer quasiment rien sur le terrain sur une mesure comme celle-là. Donc c'est une façon de parler d'autonomie. Voilà. Et à l'inverse, vous avez Jean-Frédéric Poisson qui, tout en considérant bien que les esprits ne sont pas mûrs encore pour aller sur ce sujet-là, mais parle franchement de l'idée d'un chèque scolaire, d'un chèque éducatif, donc d'un déplacement de l'aide qui est apportée aujourd'hui au système éducatif vers un déplacement apporté aux établissements par le choix des familles. Et ça, c'est vraiment une manière de faire complètement exploser le caractère monopolistique de l'offre scolaire dans notre pays. Et on irait du coup vers une autonomie qui serait très très forte. Alors ensuite, évidemment, il faut se poser les questions de la régulation de cette autonomie. Et là, l'État est tout à fait fondé à intervenir. Mais donc, on voit qu'il y a tout un éventail de propositions qui feront de cette autonomie soit un simple mot, vocable incantatoire, comme il y en a eu déjà tant, soit une réalité qui permettra véritablement de réformer le système scolaire. Et comme ça, à vue de nez, parmi les candidats de la droite, de la primaire de droite, vous avez le sentiment que certains ont vraiment envie que ça aille plus loin que le simple mot? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Ensuite, il faut aussi s'interroger sur ce que recherchent ces candidats en concourant à la primaire de droite. Mais ça préjuge pas de leur sincérité. Vérité, bien mais entendu. Disons qu'il y a en gros des candidats qui, même si ils se veulent assez réformateurs, résonnent quand même à périmètre institutionnel à peu près constant. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont beaucoup de mal à envisager ce qui serait le cœur d'une réforme, c'est-à-dire la dissociation de la fonction de régulation éducative, de la fonction d'évaluation et de la fonction d'offre scolaire. Mmh. Donc cette dissociation, elle est très clairement envisagée par quelqu'un comme Jean-Frédéric Poisson. Elle l'est aussi très largement par quelqu'un comme François Fillon. Enfin, donc lui, ça passe par un certain nombre de mesures pragmatiques comme relever le quota attribué à l'enseignement privé, mais il dit aussi qu'il veut soutenir le développement du hors contrat, etc. Chez Copé, on trouve aussi des propositions qui sont très très fortes. Et puis des candidats qui, comme Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, eux conservent véritablement le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui, avec peut-être cette idée que ce système éducatif est une sorte de tuyau qui actuellement est branché sur un robinet de gauche, donc ce qu'il en sort est de leur point de vue insatisfaisant, mais qui suffira de le brancher sur un robinet de droite robinet. pour Et c'est là que vous n'êtes pas d'accord précisément, parce que vous pensez que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on doit... Moi je pense que ce n'est pas un tuyau, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va mettre dedans de l'autorité du mérite et de l'excellence qui sortira de l'éducation nationale de l'autorité du mérite et de l'excellence. L'éducation nationale malheureusement n'est pas faite pour ça. Et donc c'est véritablement l'ensemble du système qu'il faut réformer. D'accord. Alors, il est 20h30, vous écoutez le libre journal de la liberté surveillée. Et je reçois Jean-Paul Mongin qui est délégué général de SOS Éducation, avec qui nous parlons d'éducation. Et il y a un auditeur qui n'est pas du tout content, parce que vous avez utilisé l'expression « en charge d'eux ». Il a raison, mais vous ne le ferez plus. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe? Une dame qui vous demande si vous savez ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. On vient de parler, par exemple, de l'exemple anglais, et également des classements PISA, bien entendu. Oui, alors, parce que ce qu'il faut souligner quand même sur ces classements PISA, c'est qu'on ressort toujours comme des modèles pédagogiques, enfin comme des modèles éducatifs accomplis des pays comme la Finlande, en disant « Ah, voyez comme la Finlande est une terre merveilleuse ». Et le ministère l'interprète en disant c'est parce qu'ils sont complètement dans les pédagogies actives, dans les enseignements participatifs, que l'élève est éveillé à sa propre créativité, mais pas du tout. C'est parce que ce sont des pays où il y a une déconcentration très très forte du système, une responsabilisation très forte des acteurs locaux, une autonomie quasiment complète des établissements, et en plus un statut social des enseignants qui est très valorisé et qui attire donc les étudiants les plus brillants. Et quand vous additionnez tout ça, effectivement, vous avez de la performance éducative en dépit de méthodes pédagogiques qui sont tout à fait douteuses. Oui, ça serait intéressant que, je ne sais pas si vous y êtes déjà livré, qu'un jour vous fassiez une analyse du programme PISA. Je veux dire, parce que par exemple, on a quelquefois de très bons résultats, alors à Singapour ou à Hong Kong, d'autres fois, en URSS, en Russie, et savoir, en fait, vous venez de le faire pour la Finlande, mais d'une façon générale, ce qui fait bien marcher ou mal marcher tel système. Parce que les résultats, les analyses qui sont données dans PISA, sont pas très... Disons qu'elles sont pas très... comment dirais-je, pour ne pas employer un anglicisme, puisque je vois que ça fait frémir vos éditeurs. Ah oui. Mais, ils ont raison. D'accord. Non, mais ou alors vous payez. Ou alors je peux dire qu'elles sont pas très sexy, mais il faut que je paye le mettre dans le cochon. Sexy, ça va encore. Mais de fait, c'est pas toujours très, très facile à lire, mais il y a plein de choses qui sont absolument passionnantes dans PISA. Si je peux juste citer comme ça trois faits. Le fait que la performance des systèmes est absolument corrélé avec l'autonomie, le degré d'autonomie des établissements. Donc, quand vous regardez PISA, vous voyez que on a à peu près le système le plus centralisé du monde, du moins dans les grands pays, et que tous les systèmes plus efficaces sont des systèmes où il y a plus d'autonomie. Donc, c'est évident que c'est par là qu'il faut aller. Autre enseignement intéressant, les pays qui ont le plus implémenté les technologies numériques dans l'éducation sont les pays qui ont le plus régressé. Donc, plus on met des tablettes et des ordinateurs dans les mains des enfants, et moins ils comprennent ce qui est écrit dessus. Ouais. C'est tout à fait intéressant, et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a aidé François Hollande à mettre 1,5 milliard sur la table pour lancer un grand plan numérique pour l'école. C'est assez logique. c'est cohérent. Et voilà, autre marqueur intéressant. On a en France une région qui est au niveau de la Finlande du point de vue des performances éducatives. Cette région s'appelle la Bretagne. C'est-à-dire, la Bretagne, c'est à peu près la taille de la Finlande en termes de population. Et comme par hasard, c'est la région où il y a 40% des élèves qui sont scolarisés dans le privé. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec le mauvais esprit que j'ai. Donc voilà, il y a des tas de choses comme ça qui sont intéressantes quand on exploite les statistiques PISA de manière un peu fine. Ouais. D'accord. Cela dit, si on raisonne toutes choses égales d'ailleurs, la France qui a toujours eu un système très centralisé avait avant un meilleur classement. Donc, il y a d'autres facteurs. Oui, bien sûr. Non, mais en plus, on a eu un système très centralisé sous la Troisième République et c'était un modèle éducatif. Il y a, enfin, des équipes ministérielles du monde entier se déplaçaient pour venir voir notre modèle éducatif. Simplement, ça, c'était avant la massification. Voilà. Et on ne gère pas quelques centaines de milliers d'élèves dans le secondaire comme on en gère 12 millions aujourd'hui. Avant la massification et avant, en plus, la modification de la masse, qui sont deux facteurs intéressant. Bon, bravo pour votre émission, bravo à cette intervention sur l'éducation. Comment peut-on aider SOS Éducation ? Merci de donner vos coordonnées. Mais SOS Éducation, merci à cet auditeur pour ses compliments qui me montrent au cœur et que je répercuterai auprès de l'ensemble des permanents de l'association. Et vous pouvez nous aider tout simplement à l'adresse de l'association qui est 120 boulevard Raspail dans le 6e arrondissement à Paris ou par le site internet de SOS Éducation. Très bien. Avez-vous un lien avec Anne Coffinier ? Alors, Anne Coffinier dirige la Fondation pour l'école qui s'occupe d'accompagner la création d'écoles indépendantes hors contrat. Oui. Alors, on a évidemment beaucoup de convergence, je pense, sur un certain nombre de sujets éducatifs, mais elle s'occupe du hors contrat et nous, notre mission, notre objet social, c'est d'améliorer, autant que faire se peut, le système éducatif public et privé sous contrat. Donc, on a des convergences qui sont assez limitées du point de vue de nos actions. D'accord. Alors, il y a une auditrice qui vous pose une question personnelle que je transmets. Monsieur Mongin, appartenez-vous à la même famille que monsieur Pierre Mongin, ex-PDG de la RATP ? Non, pas du tout. Ni à celle d'Olivier Mongin de la revue Esprit. C'est un autre Mongin. Je suis issu d'une famille d'enseignants. J'aurais été, si j'avais passé les concours, la quatrième génération de professeurs dans ma famille. Donc, je peux dire que d'un point de vue dynastique, j'ai vu le vaisseau sombrer. D'accord. Pardon. Oh là là, ça c'est la claque, ok. En 1960, c'est un autre dire qui soulève un problème réel, vous aurez peut-être deux ou trois mots à dire là-dessus. En 1960, 15% des élèves des grandes écoles étaient d'origine modeste. Actuellement, 3%. 3%, oui, entre 3 et 4%. En fait, c'est vraiment l'illustration de ce qu'on disait tantôt. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire de l'école autre chose qu'une école, à force de vouloir couper tout ce qui fonctionne sous prétexte d'égalitarisme, en fait, ce qu'on laisse comme richesse éducative à notre pays, c'est uniquement dû à la résilience des familles. Donc, quand vous avez une famille très résiliente, une famille où on lit une histoire tous les soirs à ses enfants, une famille où on va leur montrer plein de choses, où on leur parle beaucoup, où on leur raconte l'histoire, où on leur fait faire de la science, etc., vous vous retrouvez dans des filières d'excellence de manière assez naturelle. Et quand vous n'avez pas la chance de bénéficier d'un cadre familial comme ça, vous n'avez plus aucune chance de vous en sortir. Et aujourd'hui, des gens qui sont, y compris sur d'autres questions, certainement très loin d'un certain nombre de vos éditeurs, des gens comme Michel Onfray, par exemple, disent que leur propre parcours, fils, je crois, d'un employé de ferme et d'une femme de ménage, ou quelque chose comme ça, qui devient agrégé de philosophie, ce type de parcours est complètement impensable dans le système éducatif d'aujourd'hui. Mais même à la limite, le parcours de notre ministre, c'est-à-dire que on l'avait interpellé à la faveur d'une pétition sur ce mode-là en lui disant Madame Vallaud-Belkacem, renvoyez l'ascenseur social, parce que elle en a quand même bénéficié de ces filières d'excellence, même si elle a raté trois fois l'ENA. Oui. Elle a quand même fait des petites études. Elle a quand même eu un certain parcours, parcours qui est de plus en plus rare d'avoir aujourd'hui quand on vient de la mauvaise banlieue et qu'on a dû aller par cette carte scolaire qui est présentée comme un outil d'égalité sociale et qui est en fait le plus grand scandale d'inégalité qui existe. Vous avez fait des actions contre la carte scolaire, alors on interpelle tous les candidats en leur disant abroger cette carte scolaire. Cette carte scolaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens de vous payer un loyer dans un quartier favorisé, vos enfants vont devoir aller dans un établissement ghetto. C'est quand même complètement inouï. Et en plus, dans un établissement où on sait très bien qu'il y a beaucoup de moyens, moins de moyens qui sont concentrés quand on regarde véritablement ce qui est investi. Parce que les professeurs expérimentés qui sont comme tout marche à l'ancienneté dans l'éducation nationale, payés plus cher. Eux enseignent dans les établissements de centre-ville, alors qu'on met dans les établissements difficiles les jeunes professeurs, ceux qui ne sont pas formés, et donc pas, enfin, voilà, mécaniquement, on y met aussi moins de moyens. Est-il vrai que les jeunes enseignants ont beaucoup de réticence à aller dans l'académie de Créteil, puisque il n'y a pas seulement la carte scolaire, mais il y a la carte des académies. Cher ami, si vous êtes par exemple de la belle région de Toulouse, que vous avez un bac plus 5 en mathématiques, et qu'on vous propose, si vous souhaitez répondre à votre vocation d'enseignant, de partir à 800 km de chez vous, de vous faire cracher dessus toute la journée, parce que c'est ce qui arrive quand même dans de nombreux cas, pour la somme mirifique de 1 365 € net par mois, ça va être votre salaire, votre rémunération de professeur débutant, enfin stagiaire, avec, il est vrai... Une prime substantielle de 74 € parce que vous enseignerez en zone d'éducation prioritaire. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou ou alors avoir une vocation très très solide pour signer là-dessus? Donc évidemment, les académies de Créteil et de Versailles, mais au-delà, hein, il y a beaucoup d'académies qui ont des gros problèmes de recrutement. Comme les concours sont nationaux, on expédie tous les candidats reçus dans ces académies, mais du coup, la plupart des gens ne veulent plus passer le concours. Et quand vous offrez 1500 postes au CAPES en mathématiques, par exemple, vous avez péniblement 1000 à 1100 personnes que vous... à qui finalement vous donnez le diplôme, et les derniers qui sont reçus, des inspecteurs ou des professeurs qui siègent au jury de CAPES nous disent, mais ils sont incapables de poser une règle de 3, ces gens-là. Et par ailleurs, ils ne parlent pas français, ou ils ne s'expriment pas correctement en français parce qu'ils ont été formés en Tunisie ou je ne sais pas quoi. Et donc, on les incorpore à la fonction publique pour 40 ans, alors qu'on sait qu'ils sont absolument incapables d'enseigner de manière qualitative leur discipline. Et donc même en allant chercher aussi bas, on n'arrive pas à combler un tiers des postes. Donc on crée un concours exceptionnel pour l'Académie de Créteil qu'on ouvre à tous les recalés de toutes les disciplines de France et de Navarre. Et ensuite, on va aller recruter des gens sur Le Bon Coin ou un BTS de tourisme. Il y a eu un reportage... On recrute sur Le Bon Coin. On recrute sur Le Bon Coin, oui. Mais il y a eu un reportage... dans l'émission Envoyé spécial qui est passée la semaine dernière, je crois, c'était en même temps que le débat des candidats à la primaire, qui était hallucinant. Le journaliste, qui vraiment connaissait absolument rien en mathématiques, se porte candidat dans l'académie, je crois que c'est l'académie de Créteil ou peut-être l'académie de Paris, en disant ben voilà, moi je veux bien faire de mathématiques. Il invente une école de commerce imaginaire. Enfin, il s'invente un CV, aucune vérification. Il est reçu pendant 10 minutes par un inspecteur. Il sort bêtise sur bêtise, il se trompe dans le théorème de Pythagore. Enfin, il est incapable de poser une multiplication. Et bon, on le considère bon pour le service, avec toutefois une préférence pour aller enseigner en collège plutôt qu'en lycée. Et il se retrouve devant une classe le surlendemain, sans aucune préparation, sans même qu'on lui dise quel manuel était. Et de fait, il essaye de poser une multiplication au tableau et il n'y arrive pas, quoi. Donc, au bout de 3 jours, il arrête les frais. Mais voilà. Et ensuite, il refait le même exercice en français. Enfin, c'est extrêmement parlant. Et il a eu son CAPES de mathématiques? Non. Ah non, il n'a pas eu son CAPES. Il a été recruté comme vacataire parce qu'on n'arrive plus à recruter. Suffisamment de certifiés. Ah, ça, c'est extraordinaire. Mais encore une fois, alors évidemment, les exemples que j'évoquais tout à l'heure ne sont pas représentatifs de tous les candidats au CAPES de mathématiques, et il y a encore des très bons candidats, mais il y a quand même une baisse graduelle du niveau dans les concours d'enseignement, dans l'ensemble des disciplines, et ça, l'ensemble des jurys en conviennent, avec toujours quelques éléments excellents, mais un ventre mou qui descend graduellement du fait de la très très faible attractivité de ces fonctions. Alors qu'à côté, on a une mine d'or, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui, aujourd'hui en France, pourraient enseigner et d'une manière, encore une fois, extrêmement qualitative. Mais qui sont ces gens? C'est par exemple quelqu'un qui a fait une première carrière d'ingénieur et qui voudrait se reconvertir dans l'enseignement. Simplement, il n'y a aucune validation des acquis de l'expérience. Donc si... lui-même veut se mettre à l'enseignement dans l'éducation nationale, il va devoir passer ce concours, ce qui va lui demander comme un minimum de préparation, s'exposer à être envoyé à 500 km de chez lui et se retrouver avec une paye tellement ridicule que de toute façon, s'il a une charge de famille, c'est absolument inenvisageable. De même, il y a beaucoup d'institutrices qui ont pris des congés maternité et qui ne reviennent pas parce que si elles reviennent, elles savent qu'elles vont être envoyées potentiellement à l'autre bout de leur département. Elles seraient tout à fait heureuses d'avoir un mi-temps, par exemple, mais dans l'école à côté de chez elles. Sinon, c'est pas possible. Mais simplement, l'éducation nationale n'a aucune gestion des ressources humaines et donc se prive de bassins de compétences extrêmement développés uniquement du fait de l'égalitarisme et de la protection statutaire. Et vous dites uniquement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de moyens malgré tout quand, par exemple, le recrutement d'ingénieurs, d'anciens ingénieurs, ça coûte quand même plus cher que le stagiaire dont vous parliez tout à l'heure à Créteil. Mais combien coûte l'ignorance à Créteil ? Ah, je ne sais pas. Non, mais d'accord. Il y a un problème budgétaire. Non, mais il y a un problème d'allocation de moyens. Mais des moyens, il faut arrêter aussi. On en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a 220 000 fonctionnaires non enseignants dans l'éducation nationale en France. C'est deux fois plus qu'en Angleterre et trois fois plus qu'en Allemagne. Donc, si déjà on dégraissait le mammouth, pour reprendre l'image de Claude Allègre, on libérerait des moyens de manière très, très importante. Donc, c'est une question de lutte avec les syndicats. C'est une question d'allocation, mais je vais vous donner encore un exemple. Il y a plusieurs centaines, alors qu'on a besoin de professeurs de mathématiques à Paris, il y a plusieurs centaines de professeurs de physique qui sont inemployés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une réforme qui a été faite et qui a diminué le nombre d'horaires de sciences physiques au lycée, sans qu'on ait anticipé que ça allait impacter le nombre de professeurs recrutés. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup trop d'enseignants en physique. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas intelligent de dire à ces professeurs de physique qu'ils peuvent peut-être aller enseigner les mathématiques à des sixièmes ? Eh bien, c'est impensable. C'est impensable parce qu'ils ont été recrutés statutairement comme des professeurs de physique. Et donc, si vous... Alors quoi, il faut changer le statut de la fonction publique ? Non, mais ça, c'est... Alors, c'est une priorité absolue. C'est-à-dire que, bon, déjà, moi, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une légitimité à ce que le professeur soit fonctionnaire d'État. Peut-être qu'on peut conserver, par exemple, un corps désagrégé qui est fonctionnaire d'État. Mais ensuite, de fait, l'ensemble des académies tourne avec, selon les disciplines, un cinquième, un quart, parfois un tiers de vacataires. Donc c'est un fait. Simplement, si on va au bout de cette démarche et qu'on développe les postes à profil, qu'on développe les contrats de droit privé pour pouvoir recruter des gens en fonction des moyens, en se disant, ben là, j'ai besoin de quelqu'un qui, par exemple, est un véritable anglophone parce qu'il va pouvoir faire développer tout un tas de dispositifs dans mon établissement, etc. Ben, en fait, on va amener de la qualité dans les établissements. Mais il faut sortir de cette idée que ça doit absolument être un enseignant qui a passé son concours, qui a été muté avec la validation du syndicat bidule. Donc, ce que vous préconisez, c'est une révolution, mais une révolution sanglante de l'éducation nationale. Parce que... je pense qu'il faut le faire par étapes. Notamment, je pense que cette idée que même Alain Juppé a reprise de développer les postes à profil, ça peut être une idée qui est intéressante. Les postes à profil, c'est quoi ? C'est que ce sont effectivement des fonctionnaires qui peuvent candidater à un poste, mais la fiche de poste est définie par le chef d'établissement lui-même. Donc le chef d'établissement met un pied dans la dimension du recrutement. Donc on en revient toujours à cette idée d'autonomie, de véritable autonomie. C'est un petit pas. À l'inverse, vous avez quelqu'un comme Copé qui dit juste, maintenant tous les nouveaux fonctionnaires, sauf dans les missions vraiment régaliennes, on les embauche sous des contrats de droit privé et il n'y a plus de fonction publique dans l'enseignement. Voilà. C'est complètement inapplicable du jour au lendemain, mais cette idée, elle existe dans l'offre politique actuelle, et c'est quand même le signe qu'il y a une relative prise de conscience des enjeux du système éducatif. D'accord, il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on aborde un sujet tout à fait différent. Vous avez fait de la diffusion, vous avez de la propagande, vous avez fait de la publicité pour un guide sur l'identité de genre. Ah oui, en fait, j'ai pas fait la promotion des études de genre. Non, mais un guide de l'identité de genre qui est paru sur votre site. En fait, c'est-à-dire qu'on a conseillé de faire circuler une brochure qui a été éditée par une association qui s'appelle Vigigender, qui a recensé l'ensemble des occurrences de l'idéologie du genre, notamment dans le système éducatif. Parce que vous savez qu'on a une ministre pour qui la théorie du genre n'existe pas, alors qu'il y a quelques années, dans 20 minutes, elle en faisait l'apologie en expliquant combien ça allait permettre une révolution des mentalités et la correction d'inégalités. Alors justement, j'ai regardé un peu ce guide et j'ai trouvé pas mal fait justement de ce genre, de ce type d'exemple assez simple, hein, finalement. Oui, voilà, tout à fait. On met. Alors vous avez décliné ce enfin plein d'exemples dans plusieurs domaines, mais toujours dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale. Alors sur cette question de l'idéologie du genre, alors je voudrais tout d'abord dire que elle est inquiétante parce qu'elle est introduite dans le système éducatif auprès d'enfants qui sont en pleine phase de construction de leur repère sexuel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de voir comment la différence homme-femme se structure selon les sociétés, à un niveau universitaire. Il n'y a pas des choses intéressantes dans les études de genre. Enfin, moi, en tant que philosophe, même si je ne suis pas du tout raccord avec elle, je pense que voilà, la pensée de quelqu'un comme Judith Butler présente un véritable intérêt théorique. Mais voilà, le danger, c'est évidemment de vouloir faire des travaux pratiques autour de ça. Non, avec des enfants. Ça, mais aussi, peut-être, on peut dire que que la société aide à construire des images effectivement de genre sans faire ce que l'idéologie du genre fait, c'est-à-dire de dissocier totalement bien sûr. Le genre du sexe. Bien sûr. Non, mais c'est qu'une frange extrêmement limitée et idéologique de ces spécialistes du genre qui posent une coupure complète entre la dimension sexuelle biologique et la dimension sociale. Social. Mais, si vous voulez, nous on a quand même à SOS Éducation ce combat depuis un moment, puisque on s'était très fortement mobilisé à l'époque des ABCD de l'égalité, qui était un dispositif pédagogique, mais d'une stupidité crasse, qui avait été inventé déjà par Madame Vallaud-Belkacem, mais à l'époque elle n'était pas encore dans les ministres de l'Éducation nationale, pour corriger les inégalités. Voilà. Et si vous voulez, on a un système éducatif où les deux tiers du décrochage scolaire et de l'échec concernent les garçons. Parce qu'il faut quand même le rappeler, ça, les grandes victimes du système éducatif et du soi-disant tri du système éducatif, de l'échec scolaire, etc., ça concerne les garçons. Et plutôt que de leur faire travailler leur français, leur mathématiques, etc., on imagine des espèces de petites vidéos soi-disant pédagogiques où on leur raconte des fadaises pour leur expliquer... Mais non, c'est logique. S'ils deviennent des filles, ils ne décrocheront plus. Voilà, puisque le décrochage... Exactement. Peut-être qu'il suffit de mettre une jupe et puis que ça fait augmenter votre moyenne en anglais. Et donc, voilà. Non, ce serait assez drôle. Mais donc, on s'était mobilisé à l'époque avec d'autres associations. Et à notre grande satisfaction, ce programme avait été retiré. C'était le premier point. Deuxième chose, la doxa ministérielle voulait qu'il n'y ait plus du tout de référence à cette idéologie du genre dans les nouveaux contenus pédagogiques, on est quand même allé voir ce qui se passait au niveau des formations des enseignants. Et on a participé à des formations de lutte contre les LGBT-phobies. Et voilà que dans ces formations de lutte contre les LGBT-phobies, où vous avez un parterre de 200 enseignants, on vous présente des supports pédagogiques qui vous explique que les petits-enfants sont des êtres indifférenciés et qu'ils rentrent dans une usine où ils sont destinés à être garçons ou filles, parce qu'on leur attribue un espèce de petit kit, et puis qu'il faut faire apparaître le modèle homosexuel à parité avec le modèle hétérosexuel dans l'ensemble des ouvrages scolaires, et qu'on commence à travailler avec tel ou tel éditeur pour que, dans le cadre des nouveaux programmes, on fasse la parité chez les auteurs de littérature. Donc on a enlevé l'idéologie du genre de la vitrine, mais en dessous, ça continue. Ça continue de manière absolument, absolument dramatique. Et quand on regarde les manuels d'éducation morale et civique, enfin, j'ose même pas dire éducation, et puis même morale, et puis même civique, enfin, il n'y a rien qui est vrai dedans. Non, mais il y a, si vous voulez, de l'écologisme punitif, de la culture de l'excuse, une dose de repentance mémorielle, et cette fameuse idéologie du genre, qui est libellée en toutes lettres, hein, avec cette déconnexion express de la dimension sexuelle et de la dimension sociale. Donc oui, ça existe plus que jamais. Les professeurs eux-mêmes qui ont été formés, enfin, parce qu'ils se méfient et qu'ils ne veulent pas être pris en défaut, vous savez, les professeurs, c'est souvent d'anciens bons élèves. Donc ils ont quand même tendance à faire ce qu'on leur dit. ils sont souvent victimes, alors qu'en défendant de cette idéologie, et du coup, ça pose vraiment des problèmes de construction affective et sexuelle au niveau des enfants, d'autant, je le disais tout à l'heure, que vous avez parlé là-dessus, la prévalence du porno qui vient vraiment ruiner les stéréotypes sexués. 30 secondes pour... Ah, vous n'allez pas pouvoir conclure parce que le chat revient dans la gorge. 30 secondes pour conclure parce qu'il est 20h54, 20h40 secondes. Mais alors, en fait, du coup, par rapport à ce tableau peut-être un peu sombre de l'éducation en France, je voudrais lancer un appel à vos éditeurs, un appel gradué. Je voudrais dire que face à cette faillite éducative que nous vivons, la première réponse, la trousse de secours, elle est familiale. C'est-à-dire que tant que dans des familles, on lira de la poésie aux enfants, qu'on leur lira des contes, qu'on parlera avec eux, qu'on les emmènera et qu'on leur apprendra à s'émerveiller de ce qui est beau, de ce qui est bien, qu'on leur apprendra ce qui est vrai, et ben, de fait, on pourra résister à toutes les réformes de l'éducation nationale. Et puis, pour ceux qui sont les plus motivés... Mais c'est tout, c'est bon, c'est une bonne, on pourra résister. Bonsoir, vous écoutiez le livre journal de la liberté sur Février. Merci Jean-Paul Monjean. Merci à vous. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 9 novembre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.